ma vie est brève, trop perdu dans vos rêves. Pour l'argent, pas de trêve, ici c'est marche ou crève. Retour à l'esclavage, troupeau d'humains en élevage. Du bourrage de crâne, l'accouchement à la canne. Manipulé par la télé, il te crée un idéal. Des stars comme idoles, tout tracé, une ligne linéale. Du plastique, du gravier, des échelons à gravir. Perdre sa vie à la gagner, s'en foutre plein les poches et crever. C'est ça la vie mat. Dehors, c'est troupeau de moutons, se bousculant dans le métro. Mais pour gagner sa crouton, n'a pas le choix, c'est ça. Un monde plein de vices et de soucis. Faire ses courses, payer son loyer, je vous présente une fois-ci. Un monde manipulé par le pif, dirigé par le bis. La fumée des usines, c'est ça que je veux offrir à mon fils. Un monde falche, plein d'embûches, vérité cachée. Des flics fachos, empreinte digitale fichée. Je suis fâché, mon quotidien grisé, un monde en crise. Ton prochain, faut briser pour réussir, transforme la haine en phrase. Je me vide la tête en prose, ouais, je me sens prisonnier. Des piches passent, on passe, je reste pisse, mais en vrai, je pète une case. Les plonges, me casser, loin du béton de ses caisses, ses clodos, de ses gens pressés, loin de ce destin tout tracé. Mais trop boulot dodo, t'es fou pour un médiocre salaire. Une putain d'année de taf pour deux semaines au soleil. Je veux pas finir comme As, un mouton dans la mage. Je veux être ni l'employé, ni le boss. Je veux ni le magasin, ni la caisse. Je veux plus être un de ces pantins. Je veux couper les ficelles. Putain, les folles, cette planète basée sur le superficiel. Je veux vivre autre chose, voir autre chose, me casser d'ici, vivre loin de tout ça. Parce que de ce monde, je suis déçu. Un monde où ça rêve de baraque chambée, de fric, de vêtements chic, où la ressemblance s'en marque jamais, où seule la différence choque. Un monde tombé dans l'indécence, plein de questions sans réponse, basé sur le fric, les dépenses, sur le matériel et l'essence. Ils t'enfoncent, la merde dans le crâne depuis l'enfance, une façon de vivre des mensonges. Je fais le ménage dans tes ménages, voilà le message. Je veux pas être monsieur tout le monde, j'ai qu'une vie, je veux pas la gâcher. Je veux ni costard, ni montre, ni de matin dans les bouchons. Je veux pas d'un futur à vendre, ni d'un pass à racheter. Je veux pas de toutou à promener, ni de soirée devant la télé. Je veux pas d'un train-train quotidien à vivre ou à prendre le matin. Je veux pas de bureau ni de patron, je veux pas de parole ni de match. Je rêve pas de me remplir les poches, mais de me vider la tête. Des paroles véridiques, dynamiques, sors ton prix qui allume la mèche. Être dans le sens de la marche, je veux pas de cette vie de supermarché. Je suis ni à droite ni à gauche, j'ai pas de temps à gâcher. Je veux pas le dernier truc à la mode, je veux pas de Porsche ni de plombe. Je veux pas d'une vie de mouton avec belle vue sur du béton. On est les enfants oubliés de l'histoire, on a pas de but ni de vraie place. On a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La vision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. La répression intellectuelle des minorités est évidente. La mission des médias est de masquer la réalité pour la donner. Allez, sois gentil, allez, vas-y. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de dire monde de merde.